Dans l'aspect française entre la vieille génération bordelaise et les jeunes loups parisiens, Seth et Calcine, les vétérans du coup de la scène black metal bordelaise, 7e album studio qui est sorti le 14 juillet chez Season of Mist, on peut pas faire plus français, un black en plus chanté en français, rageur, épique, atmosphérique et historique avec quelques éléments orchestraux pour enrichir le tout. Calcine, ensuite formation hardcore parisienne qui vient de sortir son tout premier album studio. Il est putain de puissant et colérique. 9 titres pour une vingtaine de minutes, ça arrache du début à la fin ce nouvel effort studio de Calcine. Et premier album, donc 7, la destruction des reliques, extrait de l'album La France des maudits. Calcine, le morceau Mal et violence, extrait de l'album Common Love, Common Nausea. Yeah. Déjà clôturé l'aspect française de ce soir, une doublette ténébreuse avec Bloat et ND. Tout d'abord, Blackening Doom Sludge, actif depuis 2018, et le groupe a déjà sorti son troisième album en une demi-douzaine d'années d'existence. Bon, faut dire que au niveau des manettes, c'est Ulrich Dotargos qui gère toute la partie musicale, et c'est sa femme Anna qui tient les lignes vocales. Une recette bien lourde et sombre, une alternance de vocaux écorchés et plutôt clean. Ça va un peu naviguer du côté d'un black bile et ça peut également brancher de près les fans de Celeste et autres premiers efforts studio de Dolch. Ensuite, Blot, un autre duo, cette fois c'est du black pur, basé entre Angers et Rennes. C'est le sixième effort studio qui vient de sortir en bientôt 15 ans de carrière. Dans le line-up, on retrouve le leader de Révérence, extrait épaulé pardon, par le batteur de Venice Fiction. Un black occulte, thématique sorcellière. On est dans la veine d'un black très 90s, avec un orgue, qui vient rehausser les ambiances assez grandioses. Bloat, on va s'écouter tout de suite l'extrait Martyr, extrait donc de ce troisième effort studio intitulé Mara, and ensuite le morceau Renaissance, extrait de l'album L'Aube des Anathèmes. C'est parti. Toujours à l'écoute du 93.6, les ondes de Radio Béton, toujours à l'écoute d'Elbanger, retour à la diff internationale avec une doublette bien cracra. On a tout d'abord Cephalotripsy, le retour que l'on n'attendait plus. Le groupe de Slamming Brutal Death californien a sorti mi-juillet son seulement deuxième effort studio, 17 ans après l'emblématique premier album. Un album qui contient 8 titres, une trentaine de minutes, avec des guests vocaux ultra maus, hein, Matty Way, Clayton Mead de Condemned. On va d'ailleurs s'écouter un titre avec Clayton Mead en featuring, et Ivan Tulkin de Insect Inside. Voilà, Cephalotripsy, putain de bonne grosse branlée, Slamming Brutal Death, comme ils savent aussi bien le faire depuis le début. Et Angel Ochoa est toujours magistral derrière le micro. Hyperdoncia, ensuite formation de Death internationale, avec des membres venus à la fois du Danemark, de Turquie et de Pologne. Le troisième effort studio est sorti cet été chez Dark Descent Records. 40 minutes d'un tel se bat bien sale, baveux et rampant, ça dégouline le soufre et les égouts. Et vous me rajouterez un petit peu de groove par-dessus tout cela. Au niveau des morceaux choisis, Cephalotripsy, Ulcerated Mass of Pestilent Engagement, extra de l'album Epigenetic Neurogenesis, Hyperdoncia, Irrevocable Disaster, extra de l'album Harvest of Malevolence. C'est parti! jour et les lumières, hein, pour la doublette à venir. Je crois que j'ai déjà fait cette blague plus que vaseuse le week-end dernier. Cold Bran et Love Bites pour la doublette à venir. Cold Bran, on est sur du true black metal norvégien. 25 ans de carrière pour la formation qui sort là, son quatrième effort studio. 11 ans se sont écoulés depuis le précédent album. On est dans la tradition la plus pure des Toke, Urjol et autres Gorgoros. Ça pue la haine, la violence, et puis il y a des gros picrouillés un peu partout. J'ai un petit peu fait chier sur la durée à l'écoute de cet effort studio de Cold Bran. Mais derrière, je me suis bien fait plaisir avec le nouvel EP de la formation du quintet féminin japonais de Heavy Power Speed, Love Bites. 5 nouvelles compos de leur nouvelle EP intitulée Judgment Day. Ça défonce en termes de vitesse, c'est ultra efficace en termes de compos et d'inspiration. Un vrai bonheur à écouter Love Bites Up 2. Bon, en vrai, c'est leur 4ème EP, mais c'est pas grave. Et 4 albums en moins de 10 ans de carrière, hyper prolifique, les nanas de chez Love Bites. Et puis ça perd zéro en termes de qualité surtout. Cold Bran, May Skinner Avnil, extra album Ingen's Cancel. Love Bites, Someone Dreams, extra album Love Bites, Up 2. Donc, et c'est parti, on approche de la fin. Deep breath. Et c'est déjà la clôture de l'émission de ce soir. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission en direct depuis les studios de Radio Béton dans le donjon du 93.6. C'était Hellbanger. On va se quitter avec une doublette tout en violence et impuissance, Carnivore di Prosopus. Après Céphalotripsis, c'est un peu le retour studio que je n'attendais plus. Le groupe de Brutal Slam Death d'origine colombienne qui vit maintenant en Espagne sort là chez Comatose Music son enfin nouvel effort studio 11 ans après le précédent, Rise of the Insurrection. Extra, ce nouvel effort studio. Et puis Oscar a toujours cette espèce de voix très gutturale, des résonances métalliques ultra puissantes. Hein, et pour le coup, sur cet album, The Onslaught Cyber Tank Division, ça prend vraiment tout son sens. Exorbitant Prices Must Diminish, une formation grindcore à chanteuse qui nous vient de Suisse. On s'écoutera la doublette Worlds to Live By avec le morceau Swiss Secrets, extrait de l'album For Limited Time. Sans trop de surprise, c'est une sortie Lixiviat Records. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous, très bonne fin d'émission et de soirée. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission, cette fois en direct. Ciao, ciao.